C'est le dimanche soir et le dimanche soir, vous avez rendez-vous avec DJ Case pour Rail Suprême. Comment ça va, Case? Très, très, très bien. J'en profite, bonne fête de l'Aïd, hein, parce qu'on peut toujours le souhaiter, même si c'est bien dimanche. Sûr. C'était cette semaine, mais cette semaine, trois jours. On peut même d'ailleurs continuer un petit peu plus ce soir et pousser un peu plus. C'est ça, on a mangé les michouilles et les moutons. On est gavés. Les petits gâteaux. C'est ça. Les petits gâteaux. Comment ça va donc, Case? Prêt pour une nouvelle heure de mix? On va tout arracher là. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir? On va se mettre du Ritza validé, du Aïcha, de Khaled, de Remix, Maître Gims, Niska, un subtil mélange de tout. Petite tendance un peu plus dans le sud de l'Afrique. C'est ça. C'est à la mode en ce moment. On va quitter le Maghreb, donc on va aller un peu plus loin cette fois-ci. Il y a des bonnes. Il y a Barba Papa au Maroc, ils le font très bien. Ils reprennent des Gallardo, des titres afro, et ils font à leur sauce. Et il y a un bon métissage musique africaine et rebeu. Donc on va déguster ça. Et on va pouvoir déguster. Je rappelle aussi, si vous voulez passer des messages, des dédicaces pendant Rail Suprême avec le hashtag Rail Suprême sur Skyrock, on les balancera d'ici une petite demi-heure. Yes. Allez, coup d'envoi, c'est parti. Là, c'est dingue. Là, c'est dingue. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Laisse-moi là, j'atterris. J'avoue, là, c'est pas mal. On me dit que je suis un génie. Un conseil, ne te frotte pas. J'aime ce goût de vanille sur ta peau toute bronzée. Bébé, me dis pas que tu me kiffes, car j'ai même pas commencé. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Et je mange, aïe, aïe, aïe. Là, c'est dingue, aïe, aïe. Je fais mes bye, bye, bye. Vas-y, wine, wine, wine. Et je mange, aïe, aïe, aïe. Là, c'est dingue, aïe, aïe. Je fais mes bye, bye, bye. Vas-y, wine, wine, wine. Là, c'est dingue. Là, c'est dingue. Là, c'est dingue. Mec, regarde ta go. Depuis tout à l'heure, elle fait que me fixer. On la quitte pas le salamello. Je veux juste des kisses qui fait glisser. Perdre et ban classico. Je ne joue pas, pourtant t'es bluffé. Et je mange aïe, aïe, aïe. Là, c'est dingue. Je traîne en gamos, je sens une main passer dans mon cou. Je suis accompagné d'une bastos, je suis en love et oui je l'avoue. Elle veut me faire goûter son gloss, je pense pas que je vais donner ma joue. Je crois qu'elle veut me faire un gosse. Et je mange aïe, aïe, aïe. Là c'est dingue, aïe, aïe. Je fais mes bye, bye, bye. Vas-y wine, wine, wine. Et je mange aïe, aïe, aïe. Là c'est dingue, aïe, aïe. Je fais mes bye, bye, bye. Vas-y wine, wine, wine. Là c'est dingue. Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Je suis la femme.

mais je crois sur tes mots. Ça t'énerve, on prend le max, on démarre. Dédicace, quartier sud, quartier nord. C'est Rail Suprême, le billet violet, bien sûr qu'elle frotte. Sexy lady, ton homme, on va taser. Ranger ce cul, mes négros veulent damer. Tout est physique, ton cul, oui, 32B. Faut que ça se finisse en soirée, Miami. Quoi que disent les gens sur toi, plus rien à foutre, laissons les juger. Demain, tu reprendras ton tas. Mais soit c'est Rail Suprême, personne. Le billet facile, ce soir, j'ai le billet facile. Le billet facile. C'est lui et moi, les chaussons c'est fait pour vous. Je sais pas, zinekrata,

à la recherche du real love. Tu veux te marier, pas de mari, pas de love. Elle fait son entrée dans la chicha. Elle excite tous mes louftos. Un conseil devant mes losa. Faudra pas que tu louves trop. Fraîche, je te l'ai dit, 18 ans tu fais la lady. Arrivé à 30 piges, baby, baby. Tu sais que sans tes manières tu peux être ma baby. Mais t'en fais qu'à ta tête, tu marches comme une loulée. On se rend pas là, il n'a pas de. Si t'étais inintéressant, t'es bon, on t'aurait fui. Si les rappeurs t'attaquent, c'est que t'arrêtes plus, t'es cuite. Personne n'est parfaite, même qui mise. Oui, son sourire est flash de Bali. Arabian girl, c'est qu'elle est jolie. Danse toute la nuit, danse toute la nuit. Arabian girl, dans sa folie. Elle joue pas dans notre cour. C'est le code de la passe-cour. On lui tourne autour. Arabian girl, Afrique. Arabian girl, Afrique. Arabian girl, Afrique. Arabian girl, Afrique. Arabian girl, Arabian girl, Arabian girl, Arabian girl, Arabian girl, Arabian girl, Arabian girl, Arabian girl, Arabian girl, Arabian girl, Arabian girl, Suprême DJ Case est là avec nous, il nous ambiance chaque dimanche soir et ça tombe bien, on est dimanche. Eh ouais. Case, il y a une soirée de prévue après ou non, pas ce soir, non. Il y aura d'autres soirées prévues, tu les fileras tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Mais là, peut-être quelques petites dédicaces quand même. Eh bien sûr, ouais, on fait les dédicaces, donc depuis quelques semaines, on fait péter ça. Avec le hashtag Rise Suprême sur Skyrock. Hashtag Rise Suprême, on fait péter. Il y a Younes qui danse solo dans sa chambre. Théo qui s'ambiance en jouant en même temps à FIFA. Pas mal. Voilà, donc il nous explique qu'est-ce qu'ils font en même temps, donc c'est cool. Hamza qui fait. Qui veut que l'émission dure plus longtemps. Bon, bah. Très bien, bah, faites une pétition. On a déjà fait un petit effort. On va essayer de continuer. Cécilia qui veut aussi du son quinf. Bon, bah. Ça va venir. On a mis. Ah non, ouais, tu l'as mis, tu l'as ouais, mis. J'ai mis. Ça et puis on passé. Va en mettre encore. Et on va continuer à en mettre. Vu que c'est mixé, on enchaîne et on se fait un délire soirée. Il y a Benjamin Mode qui assure la pub de l'émission sur Twitter. Et, terrible, merci Benjamin. Ryan M-E-Z et Attachante. Attachante. D'accord. Ça doit être une copine de Fab. C'est ça. Attachante. Attachante. C'est qui celle-là Attachante. Je peux pas tout dévoiler, mais il y a des trucs bizarres dans cette émission. On est reparti pour une nouvelle session. Allez. Ah, où tu veux balancer les dates de la tournée de Case? Yes, yeah, c'est ça. Bah, ce week-end, je suis à Paris vendredi 2 octobre. Le week-end prochain, ouais. Le week-end prochain, ouais, qui arrive donc au California, c'est dans Vers République, et juste après au Théâtre à Porte Maillot. Et le samedi 3 octobre, je vais à Marrakech au Soul Lounge. Ouais, fais pas chier, quoi. Ouais. Bon, encore, il y a du monde toute l'année là-bas, donc. On a fait des soirées de fou cet été, donc des fois ils nous rappellent. Et là, samedi, on est à Marrakech. Allez, va mixer, s'il te plaît, Case. Arrête d'énerver tout le monde, c'est reparti. Je ramènerai des petits gâteaux. C'est sympa. Des babouches. T'as 44. Allez, c'est parti sur Skyrock. Une nouvelle session par DJ Case. Dimanche soir. Minuit. Une heure. C'est Rail Suprême. En direct sur Skyrock. Au micro, je mets des queclats. Non, il faut pas t'écras. Même ta copine avoue que j'ai trop la secla. Pour les arrivants qui vont bouffer la melga. Je suis dans l'espace, t'es dans le passé comme Zelda. Doucement l'alcool, ma cousine, il faut pas l'être gars. L'inspi, c'est Jigma quand je sors ma quête bas. Je téléphone à Willow si tu veux manger une clé de bras. Quand tu découpes des meufs, y'en a qui découpent des quêtes blas. Wesh, mon ami, Kesta, 9-4, tu s'en testes pas. Il faut rester soi-même, pourquoi tu fais gangsta? Moro, c'est danger, sa vie crave des sangers. Pour s'en sortir et pour trouver à manger. Comment je leur fais du mal, poto, c'est abusé, je suis là pour faire du sale, pas là pour m'amuser. Trop de potos ont fini sur le banc des accusés. Je veux péter le milli, j'espère que t'es avisé. Tes projets partent en fumée quand tu t'es fait lever. Ça devient un cauchemar, man, il faut pas rêver. Masta, c'est ta peu fra, comme celle de Snoop Dogg. Dis-moi pourquoi tu baves, pourquoi tu fais le bulldog. Ok, amigo, je connais trop d'okés. La fumette, ça rend fou, il faut pas trop se moquer. Wesh ma putain de Kaira, lève ta bécane en qui. Pour ceux qui étudient et pour tous mes bandits. Dis macha Allah, il faut pas nous haïen. Dis-moi Psartex si un jour tu me vois en Cayenne. Ça va péter, Polio c'est l'omerta. Quand tu rappes t'es pas bon comme le goût du smec. Comment je leur fais du mal, poto c'est abusé. J'suis là pour faire du sale, pas là pour m'amuser. Trop de terre, comment je leur fais du mal? Poto, c'est abusé. J'suis là pour faire du sale, pas là pour m'amuser. Trop de potos ont fini sur le banc des accusés. J'veux péter le milli, j'espère que t'es avisé. Ils savent tous que je suis coté, j'ai seul c'est ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai vu trois verres, je suis faillage toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est qu'un boy quand je lève mon majeur. Je prends un selfie, je leur dédicace. Blaster, si je suis sur la piste, le platine c'est DJ Kai. Chart de duniya de janjal.

à la Mamounia. Je joue mon tapis, tu joues des Pumas. Des frères en cavale, Roya c'est hardcore. Arrivé à la douane, 20 euros dans le passeport. Cocktail au théâtre, tapis rouge quand je débarque en Algérie. Escorte militaire, fête, place, le chaoui est de sortie. On a les clés de l'aéroport de Vietnam. Je prends Alger, deux jours après je taille à Casa. Rouya, ça déchire d'être à Albi. La fierté dans le sang, c'est le Maghreb uni. Je suis avec Mourad, Chrysler. Y'a des vaillants, Jigger, Jigger, Maghreb, et toute sa ferveur. Et que les touristes touchent pas à nos sœurs.

Rail Suprême le dimanche soir avec DJ Case. Ouais. On vient de finir avec quoi comme morceau d'ailleurs, Case? On vient de finir avec un inédit de Ritza. C'était sur iTunes depuis vendredi. Mmh. Le titre c'est La Sedai et un titre que Fab aime tout particulièrement. J'ai vu dans les réseaux aussi, les gens y kiffent. Et sur iTunes, voilà. Bah, c'est dispo sur iTunes. Donc dites-nous ce que vous kiffez. D'ailleurs, on peut aller sur tes pages. Hein, bien sûr. Aller commenter réseaux, l'émission. Bien sûr, Facebook, DJ Case et Instagram, Twitter, DJ Case Paris. Et là, on a fini avec La Sedai, de nouveau titre de Ritza. Ritza qui est sorti vendredi. C'est ça, on aime beaucoup Ritza et dans l'émission de ses titres. Et ça continuera. Il sort son album en décembre d'ailleurs. Et bon, on attend ça avec impatience. Merci Case pour merci cette soirée. Rencard la semaine prochaine. Oui. Un nouveau Rail Suprême, comme chaque dimanche soir à partir de minuit. Yes. Ciao, ciao, bonne soirée tout le monde, c'est reparti le son de Skyrock. Rap et R&B. Non-stop.